Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin, et que les éloges et le salut soient sur l'envoyé d'Allah, ainsi que sa famille, c'est l'ensemble de ses compagnons, et tous ceux qui l'auront suivi excellemment. Donc nous continuons, mes très chers frères et sœurs, dans cette explication succincte de la sourate al-Fatiha. Dans le premier audio, nous avions énuméré quelques noms de cette sourate, et nous avions dit que le fait qu'elle ait plusieurs noms montre l'importance qu'elle revêt. Ensuite, le musulman qui s'apprête à lire le Coran doit chercher refuge auprès d'Allah, comme Allah nous l'a ordonné lorsqu'il nous a dit « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » qui signifie, selon la traduction des sens, lorsque tu veux lire le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le maudit. Il dira donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, qui signifie, je demande la protection d'Allah contre Satan le damné, contre ses suggestions et sa poésie blâmable. Donc il nous est ordonné, qui est ce qu'on appelle un amru istihbab, un ordre de recommandation, de chercher refuge auprès d'Allah contre Satan, contre le diable, lorsque l'on veut lire le Coran. Et ceci afin de nous protéger contre ses mauvaises suggestions, afin qu'il ne nous détourne pas dans nos pensées et nous empêche ainsi de méditer ce que nous lisons. Et également aussi, afin qu'il ne vienne pas nous perturber dans notre lecture, et causer ainsi des lapsus lors de celle-ci. Ensuite, avant de commencer sourate al-Fatiha, il convient de dire « Bismillahirrahmanirrahim ». Cette formule qu'on appelle « al-basmala », qui signifie « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux ». Par ceci, par cette formulation, le musulman cherche l'aide d'Allah, sans qui rien n'est possible. En effet, le musulman a la ferme croyance que rien ne peut se faire sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas même un clignement d'œil. Pour cette raison, on cherche son aide. On cherche par cette formule, al-basmala, cette formulation, sa bénédiction, c'est-à-dire le bien divin, en commençant par évoquer son nom. On commence toute action que l'on s'apprête à entreprendre par l'évocation du nom d'Allah en cherchant par cela sa bénédiction, c'est-à-dire le bien divin dans la chose que l'on veut accomplir. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce sont deux noms d'Allah, tirés de l'attribut la miséricorde. Miséricordieux, c'est-à-dire dans son essence. Le tout miséricordieux, c'est-à-dire une miséricorde qui bénéficie à ses créatures. Voici une des différences qu'ont donné nos savants sur ces deux termes, et il y en a d'autres, mais comme nous l'avons dit, nous visons par ces cours une explication succincte. Et nous nous contenterons de cela pour cet audio, et nous continuerons, Inch'Allah, dans un prochain cours avec le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.